Deux jours après, ceux des convives de Du Tillet, qui déchiraient Madame Marneffe à belles dents, se trouvaient attablés chez elle, une heure après qu'elle venait de faire peau neuve, en changeant son nom pour le glorieux nom d'un maire de Paris. Cette trahison de la langue est une des légèretés les plus ordinaires de la vie parisienne. Valérie avait eu le plaisir de voir à l'église le baron brésilien que Crevel, devenu mari complet, invita par forfanterie. La présence de Montès au déjeuner n'étonna personne. Tous ces gens d'esprit étaient depuis longtemps familiarisés avec les lâchetés de la passion, avec les transactions du plaisir. La profonde mélancolie de Steinbock, qui commençait à mépriser celle dont il avait fait un ange, parut être d'excellent goût. Le Polonais semblait dire ainsi que tout était fini entre Valérie et lui. Lisbeth vint embrasser sa chère Madame Crevel en s'excusant de ne pas assister au déjeuner sur le douloureux état de santé d'Adeline. « Sois tranquille, » dit-elle à Valérie en la quittant. « Ils te recevront chez eux et tu les recevras chez toi. Pour avoir seulement entendu ces quatre mots, 200 000 francs, la baronne est à la mort. Oh, tu les tiendras tous par cette histoire, mais tu me la diras. »